بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة وهم في تلك أربعة أصناف Donc on va commencer sans plus attendre, Inch'Allah, sur la continuité de l'étude de l'œuvre de l'imam Taqiyuddin Ahmed ibn Ali al-Maqrizi Rahimahullahu ta'ala سيرين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والثبات على الدين وحسن الخاتمة En implorant Allah Azzawajal qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actes et la bonne finalité. Donc on va reprendre, Inch'Allah, sans plus attendre, lorsque l'auteur ensuite va débuter l'étude d'une nouvelle question importante, toujours en relation avec l'adoration. Donc on a fini très brièvement l'étude de la question précédente qui était relative à la meilleure adoration. Quelle était la meilleure adoration ? Et donc l'auteur avait cité quatre tendances, quatre catégories de gens, avec quatre conceptions différentes de la meilleure adoration. Et donc dans les cercles et dans les assises précédentes, on avait parlé et traité cette question-là, très pertinente. Et l'auteur maintenant va évoquer une autre mas'ala, une autre question importante, toujours liée à l'adoration, puisque l'auteur, on voit que là, il traite du domaine de l'ubudiyya, de l'ibada, de l'adoration. Et donc ça, c'est un sujet qui est très important. Pourquoi ? Parce que comme on l'a relaté et dit dans les assises précédentes, nous avons été créés pour l'adoration. Donc c'est l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jal nous a créés. Et c'est ce but et cet objectif qu'il faut réaliser dans ce bas monde. Ibadatullahi Azza wa Jal. Et donc pour cela, ces questions, pour nous, en tant que croyants, elles sont très importantes. C'est des questions pour nous qui sont fondamentales. Immensément importante. Et donc l'auteur, il dit dans cette mas'ala, et donc on traite cette question-là, et ensuite il restera une autre question, et ça sera la fin du livre, Inch'Allah. Donc après qu'on aura évoqué cette mas'ala, on évoquera une autre mas'ala concernant pilier de l'adoration. Ensuite l'auteur va conclure son livre et son œuvre. Et alors, cette question est très importante. Et en traitant cette question, vous allez voir qu'on va rentrer dans le cœur d'une question liée au dogme et à la croyance. Fi'ilm al-aqida. Pourquoi ? Parce que cette question, vous allez voir, elle est liée à la croyance. Et vous allez voir que quand il y a un khalal fi al-aqida, ensuite ça a des conséquences sur d'autres questions, comme vous allez voir. قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن الناس في منفعة العبادة. Regardez, l'auteur va parler de la question concernant manfa'at al-ibada, le bienfait de l'adoration. Il va citer que les gens, il va citer quatre catégories de gens, donc quatre conceptions concernant l'utilité, le bénéfice, le bienfait de l'adoration. Vous allez voir que c'est une question très importante et ce n'est pas en vain que l'auteur la mentionne. Wa hikmatiha, concernant la sagesse aussi de l'adoration. Wa maqsoudiha, maqsoudiha, et le maqsoud c'est pourquoi celle-ci, le but pour laquelle elle a été légiférée. Donc, ça serait, sache qu'il existe plusieurs opinions concernant l'utilité des actes d'adoration, la sagesse qui se cache derrière leurs prescriptions. Il est possible de relever, dit l'auteur, quatre catégories d'individus dans ce domaine. Donc là, la question, c'est celle-ci. Les tendances concernant l'utilité des actes d'adoration et leur sagesse. En d'autres termes, est-ce que, à travers les actes d'adoration, il y a un bienfait, comme ça va être traité, quelle est l'utilité, mais aussi, est-ce qu'il y a une sagesse divine ? Est-ce qu'il y a une sagesse divine derrière cela. Et donc, pour cela, l'auteur dit, dans une traduction relative, sache qu'il existe plusieurs opinions concernant l'utilité. Quelle est l'utilité des bienfaits de ces adorations? Les sagesses, la sagesse, qui se cache derrière leurs prescriptions. Et donc, l'auteur dit, il est possible de relever quatre catégories d'individus dans ce domaine. La première tendance, on va commencer avec la première conception. قال الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة وصرف الإرادة فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر ولا فرق بين نفس الأمر بين المأمور والمحظور ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه الكلام ثم قال ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة ثم سنواصل الكلام إلى نهاية الكلام في وصف هذا الصنف. L'auteur, pour commencer dans la description de cette catégorie, cette première conception, cette première tendance, il dit, il y a premièrement les négateurs. Donc la première tendance, c'est les négateurs, cette première catégorie. Cette tendance, qu'est-ce qu'il renie? Le shir va nous dire, l'auteur ici, nous fait al-hikam wa ta'lil. Vous avez compris que al-hikam, c'est le pluriel de hikma. Wa ta'lil, ici, le terme de al-illa, al-ta'lil. Al-illa, c'est la cause justificative. Al-illa, la cause de l'adoration, ou al-hikam, la sagesse de celle-ci. Donc cette tendance-là, elle renie. Ce sont les négateurs. Il renie toute sagesse. Ou ta'lil, ou cause. قالوا الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة. Eux, pour eux, l'affaire, les adorations, c'est-à-dire, ont été légiférées, cette législation est liée à la volonté. Allah a voulu cela. Point. C'est lié à la volonté. Et seulement à la volonté du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, notre traduction littérale, relative de ce que dit l'auteur dans son œuvre, cette tendance renie qu'une sagesse quelconque puisse se cacher derrière la prescription des actes d'adoration. Ils assument que les différents commandements relèvent de la pure volonté divine. C'est lié à la volonté. وَلِهَذَا قَالَ الَّذِينَ يَرُدُّونَ الْأَمْرِ إِلَى مَحْضِ الْمَشِيئَةِ. Et donc les termes en arabe, on les répète parce qu'ils sont immensément importants pour comprendre. قَالَ الَّذِينَ يَرُدُّونَ الْأَمْرِ إِلَى مَحْضِ الْمَشِيئَةِ. C'est-à-dire cette affaire-là, cette question-là qu'on est en train de traiter, la législation des adorations, eux, يَرُدُّونَ الْأَمْرِ هَذَا الْأَمْرِ إِلَى مَحْضِ الْمَشِيئَةِ. À la volonté seulement. وَصِرْف الْإِرَادَة. Le terme, c'est pas صَرْف, c'est pas صَرْف, c'est صِرْف الْإِرَادَة بِمَعْنَى مُجَرَّد. C'est-à-dire que c'est lié à la volonté que celle-ci est dénuée, exempte de toute chose, à la pure volonté seulement. Pour cela que c'est traduit de cette manière, Ils assument que les différents commandements relèvent de la pure volonté divine. صرف صرف الإرادة فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد. Et donc regardez, pour eux ils considèrent, ils n'auraient pas pour vocation de procurer le bonheur et le salut sur terre et dans l'au-delà. Dans cet ordre, ils prétendent donc qu'Allah crée sans raison. Il n'y aurait dans la création aucune relation entre les causes et les effets. Entre les causes et les effets. Lorsqu'il dit cause et effet, on va l'étudier ça. Vous allez voir, ça c'est une grande question de croyance. Pour certaines fractions, vous allez voir, dans leur croyance, ils considèrent, comme c'est dit, il n'y aurait dans la création aucune relation entre les causes et les effets. Entre les causes et les effets. Vous avez vu juste cette phrase ? C'est un grand débat. Et c'est une grande question de croyance. On fait une question liée à la croyance. C'est que pour eux, les gens de cette tendance, ils considèrent que les effets ne sont pas liés, sont pas en relation avec la cause. C'est-à-dire, par exemple, que le fait que le feu brûle parce qu'il en est ainsi. Allah a voulu ainsi. Mais il n'y a pas de relation entre la cause, c'est pas le feu qui brûle. Le fait que, comme on va voir, l'eau peut rafraîchir. Cet effet-là, il n'y a pas de relation entre la cause et l'effet. Entre la cause et l'effet. C'est lié juste à la volonté divine, à la volonté du Créateur pour eux. Et vous allez voir que ça, ensuite, ça a des conséquences dans la croyance. Alors, pour ça, regardez, l'auteur dit, le feu n'aurait pas pour effet de brûler. Et l'eau n'aurait pas pour effet, donc, de noyer ou de refroidir. Ils tiennent donc le même discours au sujet des commandements divins. Au sujet des commandements divins, des adorations, ils ont le même discours. Il n'y a pas de relation entre l'effet et la cause. Et donc, pour les commandements divins, c'est la même croyance, c'est le même discours. Ils disent, ils considèrent, ils ne font aucune différence entre la création et la foi. Comme ils ne font aucune différence au niveau de la loi entre les obligations et les interdictions. Les ordres de la religion seraient uniquement le fruit de la volonté d'Allah. C'est lié à la volonté. Comment on va l'expliciter ensuite ? Expliquez cela. Les obligations n'auraient pas pour fonction de procurer un bien et les interdictions n'auraient pas pour fonction de préserver d'un mal. Pour eux, selon cette tendance. Bon nombre d'implications et de questions subdivisaires ou subsidiaires plutôt, bon nombre de questions subsidiaires se cachent derrière ce principe. Voilà. La plupart des partisans de cette tendance ne goûtent pas vraiment à l'agrément de l'adoration, à la douceur de la foi. Regardez ce que va dire l'auteur. Et ensuite, on traduit le metn, l'énoncé, ensuite on va prendre l'explication, pour mieux comprendre. Mais regardez ce que va dire l'auteur. « Haoula ghalibuhum la yajiduna halawata al-ibada wa la ladhataha wa la yatana'amuna biha wa li hada yusammuna as-salah yusammuna as-salata wa as-siyam wa az-zakata wa al-hajj wa at-tawhid wa al-ikhlas wa nahwa dhalika takalif takalif. » Regardez ce que dit l'auteur. Il dit, ces gens-là, de cette conception-là, ils ne goûtent pas à la douceur de la foi. Et il dit, wa la yajiduna halawata al-ibada, plutôt ils goûtent pas à la douceur, pardon, de l'adoration. Ils ressentent pas de plaisir. Voilà la vataha, c'est-à-dire le plaisir et le délice de l'adoration, ils ne le trouvent pas. Voilà yatana'amuna biha. Et donc, ils ne ressentent pas ces ni'am. La yatana'amuna biha, le plaisir, le délice de l'adoration. ce que ça procure comme bienfait et plaisir, la yajiduna hada. Wa li hada yusammuna as-salata was-siyam waz-zakat. Pour cela, eux, ils nomment les adorations qu'on vient de citer, comme la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, le tawhid, l'insincérité. Eux, ils appellent ça takalif. Ce sont des charges. Ils appellent ça takalif. Pour eux, ce sont des charges. Uniquement des charges que l'adorateur doit remplir. Qal al-musannif ay kullifu biha. ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, de ce fait, pourtant, quand on prétend aimer un roi, ses ordres ne prennent pas le sens de charge, mais c'est plutôt un véritable plaisir de les assouvir. Un véritable plaisir de les accomplir, de les assouvir. Et l'auteur, ensuite, il termine la description de cette tendance et de cette conception, de cette catégorie. Il dit « وَأَوَّلُ مَنْ صَدَرَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْمَقَالَ هُوَ الْجَعْدِ إِبْنُ دِرْهَمْ » Et le premier qui a professé cela, qui a dit cela, c'est Jad, c'est un homme qui s'appelait Jad ibn Dirham. Donc là, voilà, ça c'est la parole de l'auteur. C'est la parole de l'auteur. Et du fait qu'il y a des enseignements pertinents dans l'explication, pour mieux comprendre. Donc là, vous avez compris, de manière générale, que eux, cette tendance-là, cette conception-là que cite l'auteur, eux, ils considèrent que à travers les adorations, derrière, il n'y a pas de sagesse. C'est lié juste à la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Allah a voulu cela. C'est tout. Et donc, on va s'approfondir un peu. Si vous voulez qu'on passe directement à la deuxième tendance, c'est suffisant. Vous voulez qu'on s'approfondit un peu. On s'approfondit un peu. L'auteur de Ifadat al-Mustafid va bien expliciter cela, expliquer cela d'une manière très simple et très pertinente. Qala al-Shari'a. En fait, il dit, pour résumer, هَؤُلَا الْجِبْرِيَ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْعِبَادَةُ لَيْسَ لَهَا حِكْمَةُ وَإِنَّمَا نَحْنُ نَفْعَلُهَا لِمُجَرَّدُ الْأَمْرِ. En fait, cette tendance-là, c'est Al-Jibriya. Al-Jibriya. Qui est-ce qui m'explique qu'est-ce que Al-Jibriya ? Très rapidement. Donc, c'est pas pour... tester vos connaissances. C'est pas pour ça, c'est pour un peu. Mais Al-Jibriya. Arsène Bedrops. Adahua. C'est lorsque Al-Jibriya, c'est la tendance concernant la question liée au destin, notre croyance au destin. Vous savez, ça a suscité de grands débats. Ça fait partie des. C'est le sixième pilier de la foi. La croyance au destin. Comme on avait dit, Nizam al-Tawhid, c'est très important. Et eux, c'est ceux qui considèrent que l'individu, il est mujbar. Pour ça, le terme al-jabr, il est mujbar, mulzam, mukra. Et c'est lui qui est à la base de ses actes. Pour eux, l'individu, c'est lui qui crée ses actes, les négateurs. Hein. Là, on parle des négateurs. Les négateurs du destin, ce qu'on nomme Al-Qadariya, pour eux, lui, il crée ses actes. Donc, c'est lui qui est premièrement auteur de ses actes. Ça, c'est vrai, il est l'auteur, mais qui a créé ses actes, qui a voulu cet acte indépendamment de la volonté du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Al-Qadariya. C'est la fraction, la tendance qu'on appelle les négateurs du destin. Al-Jibriya, ceux-là sont l'inverse. C'est l'opposé, le contraire. Eux, ils considèrent que, dans la question du destin, ils considèrent que, de toute manière, l'homme, il est contraint. Ce qu'il fait, c'est pas lui. Il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas cette capacité de choisir. C'est comme la plume qui est emportée par Rih, par le vent. Elle est emportée. Et donc, Al-Jibriya, eux, c'est ça leur considération et leur croyance. Et donc, les partisans de cette parole, ceux qui considèrent que, à travers les adorations, derrière les adorations, ils nient qu'il y ait Al-Hikam, des sagesses, derrière, c'est la tendance d'Al-Jibriya. Pourquoi ? Pour eux, Al-Ibadatu laysa laha hikma. Pour eux, il n'y a pas de sagesse. À travers ou derrière l'adoration. وَإِنَّمَا نَحْنُ نَفْعَلُهَا لِمُجَرَّدَ الْأَمْرِ. Pour eux, pourquoi alors ils font l'adoration ? Vous savez pourquoi ils font l'adoration ? لِمُجَرَّدَ الْأَمْرِ. Parce que c'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre divin. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu. Et l'amr, ce mot est très important. Ce mot, vous allez voir, est très important. Puisque eux, ensuite, ils ne font pas la différence entre al-khalq ou al-amr. Lorsqu'il dit dans le verset al-alillahi, lorsqu'il est dit à partir d'Allah quoi ? Al-amr ou al-khalq ? Al-khalq ou al-amr ? Aussi bien la création et al-amr. Pour eux, il n'y a pas de différence, comme on va voir. Ils disent ta'atan li-amr, lil-amr, faqat. Eux, c'est par obéissance à l'ordre divin. وَإِلَّا فَهِيَ لَيْسَ لَهَا فَائِدَ وَلَا حِكْمَةً. Donc pour eux, dans leur considération, dans leur croyance, il n'y a pas de faïda, il n'y a pas de hikmah. Si vous lui dites, mais pourquoi tu le fais ? Parce que c'est l'ordre. C'est l'ordre divin. C'est l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Tout simplement. يَقُولُونَ إِنَّ أَفْعَالَ اللَّهِ كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا حِكْمَةً. Donc pour eux, ils considèrent qu'à travers tous les actes du créateur, il n'y a pas de sagesse. Ils nient totalement la sagesse. Al-hikmah. وَإِنَّمَا يَفْعَلُهَا لِمُجَرَّدْ مَشِيَاتِهِ. Mais il fait cela parce que c'est lié à sa volonté. Seulement, eux, ils lient la chose à la volonté du Créateur. وَإِرَادَتُهُ فَقَطْ لِأَجْلِ حِكْمَةٍ فِي ذَلِكَ. لَا أَوْ لَيْسَ لِأَجْلِ حِكْمَةٍ فِي ذَلِكَ. Et non parce qu'il y a une sagesse par rapport à ça. Donc pour eux, Allah a ordonné telle chose parce que c'est lié à sa volonté, parce qu'il a voulu telle chose, pas parce qu'il y a forcément une sagesse, pour résumer. Pour résumer, on se résume cette tendance comme ça, c'est que Allah Azza wa Jal a ordonné cela, a ordonné cette adoration, parce que c'est sa volonté. Il a voulu cela, pas parce qu'il y aurait forcément une sagesse. Mais ça, c'est une dérive. Hein. Vous avez bien compris. Hein. Ça, c'est une dérive, et on va comprendre le pourquoi. Et donc, vous avez vu ensuite, ça a des conséquences sur la croyance. قالوا فينفون الحكمة عن الله عز وجل ويجعلون أفعاله عبثا ليس لها حكمة. Et donc eux, du fait qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de sagesse, c'est comme si qu'ils disent que alors l'ordre il est vain en quelque sorte. وهذا مذهب الجبرية. Et comme dit Cheikh ici, c'est la tendance de الجبرية. وأول من قال به. Et Cheikh, il va dire dans le trait Awwal man qala bihi, il va dire Jam ibn Safwan, parce que c'est vraiment lui qui a propagé cela. Sinon, comme on va le voir après, le Cheikh, le maître spirituel, auprès de qui il a pris ces croyances-là, le fondateur de la fraction Al-Jahmiyyah, c'était Jad ibn Dirham. Jad ibn Dirham. Wa kadhalika taqul. Et certains savants disent que la question Al-Jabr, Jad ibn Dirham, il l'a pris d'un infiltré. Il a pris cette croyance-là, lui-même, Jad ibn Dirham, d'un infiltré. Et vous savez, dans chaque nation, ont eu des infiltrés. Des gens qui ont essayé de pénétrer, de s'infiltrer. Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'était de propager, d'infiltrer de fausses croyances pour altérer la croyance de ses croyants. Et alors, وَكَذَلِكَ تَقُلْ بِهِ الْأَشَعِرَةِ. Donc, les partisans de cette parole, ce sont Al-Jahmiyyah. Puisque Al-Jahmiyyah, ils sont Jibriyyah dans la question du Qadr. Al-Jahmiyyah. C'est pour ça que plus tard, après Jad ibn Dirham, Jahm ibn Safwan plus tard va propager et être une personne un élément important dans la propagation, une cause importante dans la propagation de cette croyance. Mais aussi, ce que beaucoup ignorent, c'est que la fraction de Al-Ash'ariyya, ils partagent cela, une partie de cela. Et justement, vous voyez cela plus en détail dans les commentaires de Al-Aqida Al-Wasitiyya. Cette question-là, vous la voyez en détail lorsque certains savants ont commenté cela. Mais encore plus en détail, vous pouvez la voir dans Al-Aqida Al-Tahawiyya. Dans la croyance, le dogme de Al-Tahawiyya, cette question-là est aussi bien détaillée. Et chez l'Ash'ariyya, cette question-là, pour voir leur croyance, ils appellent ça Al-Kasb. C'est la croyance de Al-Kasb, de l'acquisition. Que peut-être on verra cela dans des assises prochaines. Al-Ash'ariyya, كذلك aussi, les Ash'arites, si on peut dire de la sorte en français, yunfun al-hikma, eux aussi, ils nient la sagesse. وَيَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْعَلْ لِأَجْلِ حِكْمَةٍ. Eux, ils disent que Allah n'a pas fait pour une sagesse précise. لَكِنْ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ لِمُجَرَّ الْمَشِيَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَلَوْ عَذَّبَ الْمُطِيعُ وَأَكْرَمَ الْعَاصِ فَإِنَّ هَذَا لِمُجَرَّ إِرَادَتِهِ. Eux, regardez ce qu'ils considèrent. Ils considèrent que même si Allah Azza wa Jal, il honore l'obéissant et punit le désobéissant, pour eux, c'est lié à sa volonté. C'est qu'il a voulu cela. Yaqul, walaw adhaba, pardon, al-mutir, et s'il châtie, à l'inverse, l'obéissant, et il honore le désobéissant, c'est juste lié à sa volonté, parce qu'il a voulu cela. C'est parce qu'il a voulu cela. Fa'inna hadha li mujarrad iradati. C'est juste lié à sa volonté. Li'annahu yaf'alu ma yasha. Pourquoi ? Parce qu'il considère que Allah fait ce qu'il veut. وَأَمَّا أَنَّ الْعَاصِ يَسْتَحِقِ الْعِقَابِ وَالْعَابِدِ الْمُطِيعِ يَسْتَحِقِ الثَّوَابِ فَالْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَهُمْ. Mais du fait que l'obéissant mérite une récompense et le désobéissant mérite une punition, eux disent non, il n'en est pas ainsi. Pourquoi ? Pourquoi il n'en est pas ainsi pour eux ? Voilà, parce que tout est lié à sa volonté. Allah veut, alors il est. C'est-à-dire, l'ordre est. Ce qu'il veut est. وَإِنَّمَا هُوَ لِمُجَرَّدَ الْمَشِيَةِ وَالْإِرَادَ وَيَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلْ مَا يَشَاءَ. نَعَمْ. Eux, alors, ils disent, Allah fait ce qu'il veut. Donc, ça veut dire, s'il voudrait punir une personne désobéissante et récompenser, honorer une personne désobéissante, Allah fait ce qu'il veut. Ils disent, Allah fait ce qu'il veut, puisque tout est lié à sa volonté. Le savant, ici, le grand théologien, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il dit, Naram, le fait qu'Allah fait ce qu'il veut, ça c'est vrai. Il n'y a aucune objection à cela. Le sujet n'est pas là. Le fait qu'Allah, Azza wa Jal, fait ce qu'il veut, Naram, il n'y a aucune objection à cela. Allah yaf'alu ma yasha wa ma yurid. Ce qu'il veut, Allah, Azza wa Jal, il le fait. Lakin, mais, la nuance, et ça les frères, concentrez-vous bien, parce que ça c'est le credo des gens de la sunna. Maintenant l'auteur, parce que là on a évoqué cette tendance-là et cette fraction-là, mais il faut se quitter avec la bonne conception des choses, la bonne croyance. Ce qu'il faut retenir c'est quoi? Et là on va citer la croyance des gens de la sunna. Le sunnati wal jama'a. Qu'est-ce qu'on considère? Naam, Allah fait ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Lakin, mais, la nuance, les hikmah. Pour une sagesse. Donc, les gens de la sunna, la voie, l'enseignement du messager d'Allah et de ses disciples parmi les compagnons, ainsi de leurs disciples parmi leurs successeurs et les générations qui les ont suivis dans le bien, considèrent qu'il y a al-hikmah. On affirme et nous croyons qu'il y a une sagesse. Wa hikmatullah baligha. Il y a une sagesse qui est infinie. Vous savez, ça c'est très important, imaginez-vous. Vous allez voir l'importance de ce sujet-là. On adore Allah, Azza wa Jal. Comment derrière il n'y a pas de sagesse? Ils adorent Allah en se disant que c'est juste des charges. Mais comme va dire l'auteur, pour cela, les gens de cette tendance-là, de cette conception-là, ils ne vont pas trouver la douceur de l'adoration. ni trouver de plaisir à l'adoration. Pour eux, c'est juste une charge qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. C'est tout. قال الشيخ الشارح نعم الله يفعل ما يشاء ولكن لحكمة يفعل ما يريد لحكمة فهو لا يسأل عما يفعل لأن أفعاله لحكمة. Et donc oui, Allah fait ce qu'il veut, mais par une sagesse. Allah veut parce qu'il y a une sagesse. Et donc Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Pourquoi ? Je vous pose la question. Pourquoi Allah Azza wa Jal n'est pas sauf que nous, c'est des mots, c'est des lignes qu'on lit, on peut les passer comme ça et on passe à côté. On passe à côté de beaucoup de faïda. Regardez ce qu'il dit. Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Mais pourquoi Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait ? Loris. Ya Shabab. Inch'Allah. Pourquoi Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait ? Parce que regardez, tout simplement, parce qu'il fait cela par hikmah. Il y a une sagesse. Les hikmah. Regardez. Le sheikh, il dit, « وَهَا دَكَلَمْ الشَّيْخَ الْفَوْزَانِ » Vous avez compris, lorsqu'on dit « إِفَادَةَ الْمُسْتَفِيدِ » C'est l'auteur, c'est « الشَّيْخ سَمَاحَةَ الشَّيْخَ الْوَالِدِ حَفِدَهُ اللَّهُ تَعْلَى الشَّيْخ صَالِحَ الفوزان حفظه الله تعالى لأن أفعاله حكمة لحكمة parce que ce qu'il fait, moi je dis le nom du cher, pourquoi? Parce que c'est des questions qui sont immensément sensibles. On parle sur Allah Azza wa Jal, on parle sur ses actes, on parle sur le créateur. Fanahnu, on transmet les paroles des savants, des ulama. C'est des questions de croyances qui sont très sensibles. Qala, pourquoi Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait ? لِأَنَّ أَفْعَالَهُ لِحِكْمَةٍ. Parce que ses actes sont liés à la sagesse. يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لِحِكْمَةٍ. فَلَيْسَ لَا يُسْأَلْ عَمَّا يَفْعَلْ أَنَّهُ يَفْعَلَ الْأَشْيَاءَ لِغَيْرِ حِكْمَةٍ. Et donc Allah, il dit, ce n'est pas le fait qu'on ne l'interroge pas, il n'est pas interrogé, il ne lui est pas demandé au sujet de ce qu'il fait. Allah ne sera pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Et il n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Pourquoi ? Pas parce que il n'y a pas de sagesse dans ce qu'il fait. فهذا تنقص لله عز وجل. Si on dit Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait parce qu'il n'y a pas de sagesse, هذا تنقص. C'est attribuer une diminution au Créateur subhanahu wa ta'ala. تنقص لله عز وجل. Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait parce que il y a une sagesse immense. Qu'on en ait la conception ou non, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, notre raison à nous, notre conception à nous, elle est limitée. On ne peut pas tout concevoir. Mais il y a une sagesse. Haoula, hum nufat al-hikmati anillahi azza wa jal. Mais eux, ce sont ceux qu'on appelle, ceux qui se nomment les négateurs de la sagesse. Nufat al-hikma. De la sagesse d'Allah azza wa jal. Wa af'alihi. Wa af'alihi. قوله فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر لا لأجل الحكمة لأجل الثواب والعقاب. Et donc pour eux, vous avez compris pourquoi maintenant ils considèrent, je pose une question à Mehdi. Pourquoi pour eux alors, à travers l'accomplissement des bonnes actions et l'interdiction des actes, moi en fait je suis comme vous. Moi, en fait, mashallah, je lis, j'essaye d'apprendre, comme vous, les paroles des mashayikh, sauf que on essaie de faire participer pour mieux comprendre. Pourquoi alors il n'y aurait pas de... Ce n'est pas lié, le fait de faire les bonnes actions, ce n'est pas lié à une quelconque récompense, ou le fait de faire une désobéissance, c'est lié, pour eux, ce ne serait pas lié à une punition. Pourquoi ? فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر ليس لأجل حكمة لأجل ثواب ولا عقاب. Pour eux, quand on fait les bonnes œuvres et lorsqu'on s'interdit les mauvaises actions, on s'abstient. Pour eux, c'est pas forcément pour la récompense ou pour le châtiment. Pourquoi ils considèrent ça, eux? Pourquoi eux, ils considèrent que lorsque eux ont fait les bonnes actions et on s'abstient des mauvaises actions, c'est pas forcément pour la récompense ni pour la punition. Pourquoi ils considèrent pas ça, eux? Puisque regarde, l'auteur, il le dit, regardez. L'auteur le dit. Moi, en fait, quand je vous pose des questions, juste pour attirer l'attention sur des questions importantes, on pourrait passer à côté. Regardez lorsque l'auteur dit, dans cette tendance, il n'aurait pas pour vocation de procurer le bonheur et le salut sur terre et dans l'au-delà, c'est-à-dire l'adoration. Cet ordre, ils prétendent qu'Allah crée sans raison. Il n'y aurait pas dans la création aucune relation entre les causes et les effets. Le feu n'aurait pas pour effet de brûler et l'eau n'aurait pas pour effet de noyer ou de refroidir. Il tient donc le même discours au sujet des commandements divins. Ils ne font aucune différence entre la création et la loi, comme ils ne font aucune différence au niveau de la loi entre les obligations et les interdictions. Les ordres de la religion seraient uniquement le fruit de la volonté d'Allah. Les obligations n'auraient pas pour fonction de procurer du bien et les interdictions n'auraient pas pour fonction de préserver d'un mal. Bon nombre d'implications et de questions subsidiaires, ou subsidiaires plutôt, se cachent derrière ce principe. Pourquoi eux, ils nient ça? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sagesse. Pour eux, il n'y a pas de hikmah. Donc, pour eux, le fait d'observer les obligations et de s'abstenir des interdictions, il n'y a pas la sagesse de... Parce que là, il y a une punition, là, il y a une récompense. C'est lié à l'ordre, à la volonté d'Allah, c'est tout. Vous comprenez? Regardez, lorsque l'auteur dit... Pour eux, lorsqu'ils observent les obligations, c'est pourquoi? Parce que c'est un ordre. C'est l'impératif. Et donc, comme pour eux, ils nient la hikma, donc, ça serait pas, regardez, Shiri dit, la li ajli thawab, la li ajli l'iqab. Ça serait pas ni pour la récompense, ni pour éviter la punition, ni pour se procurer un bien et se préserver d'un mal. C'est pas pour ça. Pourquoi c'est pas pour ça? Parce que pour eux, il n'y a pas la hikma derrière cela. C'est juste la volonté divine. C'est pour ça que l'auteur dit, min ghairi an yakuna sababan ni sa'ada fi ma'ashin wala ma'ad. Voilà sababan ni naja. Ça veut dire, fal af'al wal ibada indahum laysat sababan ni sa'ada. Ça va plus loin. C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent même que, vous avez vu les adorations, les bonnes actions, ce n'est pas forcément cause de bonheur. Alors que c'est la cause du bonheur ici-bas. Vous avez vu que parfois une conception, une croyance ensuite, ça a des conséquences ensuite. Ça a des conséquences. Vous comprenez pourquoi le shir, l'auteur, vient progressivement pour à la fin dire ces gens-là ne trouveront pas la douceur de l'adoration. Ils ne trouvent pas la douceur de l'adoration. Al-kufr laysa sababan lish-shaqawa. Pour eux, l'incrédulité n'est pas cause de malheur. Ils disent comme cela. Yunfun al-asbab ou yunfun al-hikma. Maintenant, vous comprenez. Vous allez mieux comprendre. Autant qu'ils nient les causes, il nie, pardon, la hikma, la sagesse, il nie les causes aussi. Comme on l'a dit, il nie la relation entre les causes et les effets. Donc il nie as-sabab. Fa yunfuna al-hikma wa yunfuna al-asbab. Innama yaruddunaha hadha ila al-mashi'ati wal-iradati faqat. Wal-iradatu al-mahdha wal-mashi'atu al-mahdha. C'est ça lorsqu'on dit as-sirfa. On pourra dire as-sirfa. Sirf al-ibada, c'est ça, al-mahdha. وهذا عين الضلال وتنقص لله عز وجل ووصف أفعاله بالعبث. Et là, le cheikh, les savants disent que ça, c'est l'égarement même. C'est l'égarement même. ووصف أفعال الله عز وجل. Et c'est comme si qu'ils décrivent le créateur, les actes du créateur qui sont faits en vain. Puisque pour eux, il n'y a pas de hikma. Il n'y a pas de hikma. Kama qalu fil khalq. Comme ils ont dit pour la création. Pour la création aussi. Lam yakhluq li ghaya wala li illa hiya al maqsudatu bihi. Comme pour la création, ils ont dit pour la création, il n'y a pas de ghaya, il n'y a pas d'objectif. Et il n'y a pas de illa, il n'y a pas de cause à celle-ci. Wala li hikmatin ta'udu ilayhi min. Et ni pour une sagesse. Wala isa fil makhluq et asbab takun maqtadayat li musabbatiha. وليس في النار سبب الإحراق وليس في الماء قوة الإغراق ولا التبريد فينفون خواص الأشياء كالإحراق في النار والإغلاق في الماء ينفون الخواص فيقولون هذا راجع إلى مشيئة الله راجع إلى مشيئة الله. Donc eux, quand l'auteur dit, il nie aussi les causes et les faits. Il nie la relation qu'il y a entre les causes et les faits. De sorte que pour eux, que le feu brûle ou que l'eau peut étancher la soif ou bien refroidir, ça c'est lié seulement à la volonté divine. C'est lié à la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Pour eux, il n'y a pas de relation entre la cause et les faits. Regardez ce que dit l'auteur. هذا راجع إلى مشيئة الله. Ça revient pour eux à la volonté d'Allah. مجرد المشيئة ومجرد الإرادة. لا لأن النار بطبيعتها تحرق. Pas parce que pour eux, النار بطبيعته أو بطبيعتها تحرق. Pas parce que le feu, sa nature fait qu'il brûle. Le feu, c'est cause de brûlure. Non. Il n'y a pas de relation entre les faits et la cause. Il n'y a pas de relation. Là, لِأَنَّ السَّيْف بِطَبِعَةِ يَقْطَعَ. Le سَيْف, par exemple, que l'épée coupe, elle coupe. Pour eux, comme il n'y a pas de relation entre les faits et la cause, c'est lié juste à la volonté. Juste, c'est lié à la volonté. Voilà, voilà, voilà. Comme cela. Et ça, les savants considèrent que ça, c'est une dérive. C'est une dérive. وَأَوَّلُ مَنْ صَدَرَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. Et le premier qui a dit cette chose-là, les savants, comme dit l'auteur, c'est Jad ibn Dirham. Il dit que c'est Jad ibn Dirham. Et donc, regardez, à la fin, il dit, pour cela, à la fin, il dit, très belle parole, la plupart des partisans de cette tendance ne goûtent pas vraiment aux agréments de l'adoration. Ne goûtent pas vraiment halawa, à la douceur de l'adoration. Ils n'éprouvent aucun plaisir à travers les rituels. C'est pourquoi, dans leur jargon, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, le tawhid, l'ikhlas, la sincérité, pour eux, c'est juste des charges imposées à l'adorateur, que l'adorateur doit remplir. Pourtant, regardez l'auteur, il termine en disant une très belle parole, « Pourtant, quand on prétend aimer un roi, ses ordres ne prennent pas le sens de charge. » Mais c'est plutôt un véritable plaisir de les accomplir. De les accomplir. Donc ça, c'est en ce qui concerne la première tendance. La première conception concernant les adorations. Concernant le bénéfice de celle-ci et la sagesse de celle-ci. قال المصنف رحمه الله الصنف الثاني. La deuxième conception. La deuxième conception. القدرية النفات. Il va citer maintenant القدرية. La deuxième conception, la deuxième tendance qu'il va citer, ce sont les négateurs du destin. À l'inverse de الجبرية. Là, il va citer l'opinion et la conception de القدرية النفات. القدر. الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه. بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استفاء الأجير أجره استفاء الأجير أجره كما قال جل وعلا قالوا ولهذا يجعلها سبحانه وتعالى عوضا كقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أو أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Et dans un autre verset, Allah dit: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا ما كنتم تعملون. Et dans un autre verset: ودخول الجنة بما كنتم تعملون. Et dans un autre verset: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها ثم أوفيكم إياها. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه. قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب الأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان الطائفتان المتقابلتان فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، وكل راجع إلى محض المشيئة. القدرية والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى عبد بدون عمل فيه تنقيص باحتمال منه، تنقيص باحتمال منه الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله عز وجل وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى. فلو عذب أهل السماواته وأهل الأراضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل قوله تعالى، قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهم، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمنية، واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. الباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب والمسببات وارتباطها بها، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، وإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهداه الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الكلام. Donc là, on a lu toute cette partie-là, c'était sur la deuxième catégorie. Donc j'ai avancé, comme ça, demain, dans la prochaine assise, si Allah nous le permet, on pourra commencer directement la traduction et l'explication de cette deuxième tendance. Ensuite, il nous restera la troisième et il nous restera la quatrième. Et avant de se quitter, donc ensuite après, Inch'Allah, peut-être, bi'idhnillah, qu'on terminera le livre, Inch'Allah, si Allah nous le permet, peut-être cette semaine, on terminera le livre. Lorsqu'on terminera, on est en train de réfléchir sur un nouveau programme. Du fait qu'après le Maghreb, souvent certains livres, on prend en considération les gens de la masse, pas forcément de certaines personnes qui ont déjà étudié, qui sont forcément instruites. Donc on prend ça en considération. Mais du fait que, alhamdoulilah, après le Maghreb, il y a un petit groupe de frères qui veulent apprendre, on pourra ouvrir certains livres, faire un programme Talab al-Ilm. Donc je vais dans la semaine, on dira le programme qu'on fera, mais on fera des livres qu'on peut vraiment étudier, s'approfondir dans certaines questions. Donc on verra si on pourra faire le Qawa'id al-Muthla de Cheikh Ibn al-Uthaymeen dans la question de l'Asma wa Sifat. On fera un livre dans, si vous voulez, on va essayer de faire un barnamesh comme dans le Jami'a Islamiyya. Dans le fiqh, on va commencer l'étude du fiqh selon un madhab. Sinon, on peut pas apprendre vraiment le fiqh. Si le fiqh, vous l'apprenez en prenant des fatawas, vous apprendrez jamais le fiqh. Il faut commencer par un madhab. Il faut commencer par un madhab. C'est vrai que nous, le fait qu'on soit en Europe, on est proche du Maghreb, le fait de commencer par apprendre le madhab al-Maliki. Mais nous, on a beaucoup appris avec des mashayikh qui sont le madhab al-Hanbali. Donc, ta'allamna le madhab al-Hanbali. On a appris le madhab. Certaines questions liées au madhab al-Hanbali, Ma'abard al-Mutun, mais c'est très pertinent. Pourquoi? Parce que pour ceux ensuite qui veulent étudier le madhab al-Maliki, lorsqu'ils iront au Maghreb, là il y a de grands savants et de grands spécialistes dans le madhab al-Maliki. C'est-à-dire que là on peut commencer à apprendre le madhab al-Hanbali, on apprend le madhab al-Hanbali, et la majorité des grands savants contemporains et des fatwas contemporaines, c'est lié au madhab al-Hanbali. Que vous le vouliez ou non, c'est intashara fi hadha zaman. Intashara. C'est propagé dans le monde musulman, fait hadha zaman. Ensuite, dans les pays du Maghreb, on peut étudier le madhab al-Maliki. Il y a de grands ulamas du madhab al-Maliki. C'est pour cela que beaucoup de talabat al-Ilm qui sont fait al-Hijaz et dans ces pays-là, qui disaient, moi je ne vais pas me concentrer dans le madhab al-Hanbali. Pourquoi? Parce que je vais revenir au Maghreb et c'est le madhab al-Maliki. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont des spécialistes du madhab al-Hanbali. Donc concentre-toi, apprends auprès des savants, prends le madhab al-Hanbali. Ensuite, lorsque tu iras au Maghreb, il y a de grands savants dans le madhab al-Maliki. Et là, tu pourras maîtriser, apprendre le madhab al-Maliki. Si tu vis dans une terre, dans une contrée, où tu es avec des ulamas, des grands qurras, qui sont spécialistes de riwayat al-Hafs, par exemple, tu ne vas pas contredire tout le monde et apprendre Warsh, alors qu'il n'y a pas de savants vraiment spécialistes dans cette terre de riwayat Warsh, par exemple. Apprends avec ses savants cette riwaya qu'ils maîtrisent dans ce pays. Quand tu reviendras dans ton pays, s'il y a des spécialistes d'une autre riwaya, tu vas apprendre avec eux, mashallah. Et donc là, tu auras réuni entre les deux grands, ces deux grands. Donc on va essayer de commencer une risala, un metn, pour maîtriser al-fiqh al-hanbali. On va faire, inshallah, on va voir si on pourra faire umdat al-fiqh. Umdat al-fiqh de Ibn Qudama. Et je vous expliquerai le livre avec les grands commentaires qu'il y a, le grand commentaire contemporain. Et on fera aussi un livre dans Mustalah al-Hadith. Inch'Allah. Donc on fera un petit barnamèche, puisque mashallah, il y a des frères qui sont en petit comité. Alhamdulillah, on a le tableau. On a le tableau qui est là. Et pourquoi se priver d'apprendre de Mustalah al-Hadith, d'apprendre le fiqh selon un madhab? On a les possibilités d'apprendre dans Al-Asma wa Sifat. Tout ce temps-là, parce qu'il y avait des gens de la masse qui ne peuvent pas comprendre, mais les gens de la masse viennent à la fin. Les gens, en plus, qui ne sont pas trop instruits, à la fin, on laissera 10 minutes pour. On fera la description de la prière. On parlera de la description de la prière, comment prier, comment lever les mains, puisque je vois beaucoup. C'est une responsabilité à nous tous. Il y a beaucoup de gens qui viennent prier. Ça fait des années qu'ils prient. Même nous, on peut faire partie de ces gens. Ça fait des années qu'on prie. On ne prie pas comme le prophète. On ne prie pas comme le prophète. C'est pour ça qu'on va apprendre, on va faire un livre, chaque fois. On va essayer de prier. Pourquoi on doit. C'est l'adhan. Tfadal, je prends l'adhan.